mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Alain Delon et Dalida sur le titre Parole Parole sur RGM, 8h36 tout pile. On parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 8 novembre 1935, naissance d'Alain Delon, acteur français vu dans Rocco et ses frères dans le rôle de Rocco Parandi, Le Guépard, Paris brûle-t-il, La Piscine, Le Clan des Siciliens, Borsalino ou encore Borsalino & Co dans le rôle de Roxy Freddy, Notre Histoire dans le rôle de Robert Avranches, César du meilleur acteur ou encore Astérix aux Jeux Olympiques où il a un incarné Jules César. 1952, naissance d'Alfre Woodard, actrice américaine, vue dans 12 Years a Slave, Captain America Civil War, la série télé Desperate Housewives ou encore The Last Ship. 1959, naissance de Tom Novembre, acteur français, vu dans Prêt-à-porter, la série télé Caméra Café dans le rôle de Stanislas Przybylski, la saga Zodiac dans le rôle de Gildas de Chabanès ou encore Nicolas Le Floch dans le rôle du comte de Saint-Germain. 1966, naissance de Gordon Ramsay, célèbre chef cuisinier et restaurateur écossais. 1967, naissance de Courtney Thorne Smith, actrice américaine connue pour son rôle d'Alison Parker dans la série télé Melrose Place, vue dans Spin City ou encore la série Ally McBeal dans le rôle de Georgia Thomas. 1968, naissance de Parker Posey, actrice américaine vue dans Vous avez un message, Blade Trinity dans le rôle de Danny Catalos, Superman Returns dans le rôle de Kitty Kowalski, la série télé As the World Turns dans le rôle de Tess Shelby ou encore The Good Wife. 1969, naissance de Boris Terra, l'acteur français vu dans Pédale Douce, Laisse tes mains sur mes hanches, Le bal des actrices, à la télévision dans la saga Le Maître du Zodiac dans le rôle de Loïc Daguerre et plus récemment dans la série Demain nous appartient dans le rôle de Christophe Bourgueil. 1973, naissance de Florence Foresti, humoriste, actrice française, vue au cinéma dans Hollywood dans le rôle de Jeanne, Paris à tout prix, Barbecue ou encore À fond, et scénariste du film Hollywood. 1975, naissance de Tara Reid, actrice américaine vue dans Urban Legend dans le rôle de Sacha Thomas, Sex Intention, la saga des American Pie dans le rôle de Vicky Latoum. 1989, naissance de Morgan Schneiderlin, footballeur français professionnel depuis 2006. De 2006 à 2008, il a joué à Strasbourg, de 2008 à 2015 à Southampton FC, de 2015 à 2017 à Manchester United et depuis 2017 il joue à Everton. Allez, tout de suite, seconde pause musicale avec une nouveauté que j'aime particulièrement, elle est signée Maroon 5, c'est le titre Memories. You were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got. Cheers. to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. But everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. C'était signé Maroon 5 Memories sur le 107 FM. Un peu plus de 8h42, on fait un point météo. La météo. Et la première neige qui est tombée sur les sommets vosgiens hier. Mais pour l'instant, elle n'atteindra pas, par exemple, Saint-Étienne-lès-Miremont ou encore moins Épinal. On va passer donc à la météo prévue pour aujourd'hui et ce week-end prolongé. Aujourd'hui, ce sera des nuages, mais pas mal d'éclaircies. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés ce matin, entre 7 et 8 degrés pour cet après-midi. Samedi, des éclaircies avec quelques gouttes de pluie à prévoir en début d'après-midi samedi. Des températures qui diminuent encore. Elles seront comprises entre 2 et 3 degrés samedi matin. Entre 5 et 6 degrés prévus pour samedi après-midi. Dimanche devrait être une journée mitigée. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés dimanche matin. Entre 5 et 6 degrés prévus pour dimanche après-midi. Et lundi 11 novembre, on devrait plutôt avoir une belle journée. Des températures comprises entre 1 degré le matin et 7 degrés pour lundi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le football et l'Europa League et la défaite de Rennes hier sur la pelouse du CFR Cloure. 1-0, Rennes est éliminé de l'Europa League. Saint-Étienne a décroché le match nul à Alexandria, 2-0. Saint-Étienne a encore une toute petite chance de se qualifier. En Ligue 1, ce soir, Nice reçoit Bordeaux. Samedi, Brest recevra le PSG. Metz se déplacera à Lille. Monaco recevra Dijon. Reims, Angers et Strasbourg-Nîmes. Dimanche, Rennes recevra Amiens, Montpellier-Toulouse, Nantes-Saint-Etienne et on terminera avec Marseille face à Lyon. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit le club de Troyes. En National 2, samedi, Épinal recevra le club de Sainte-Geneviève. En National 3, Raon-l'Étape se déplacera à Ilkirch. Et Tans-les-Vosges se déplacera à Sarreguemines. On parle de l'équipe de France maintenant, tout d'abord honneur aux dames, avec une nouvelle joueuse de l'équipe de France à à l'infirmerie. C'est Eugénie Le Sommer, blessée à la cuisse. Elle sera donc forfait pour France-Serbie. Hier après-midi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs pour donc les prochains matchs de l'équipe de France. France-Moldavie le 14 novembre au Stade de France et Albanie-France le dimanche 17 novembre. Côté gardien, sont sélectionnés Areola, Maignan et Mandanda. Hugo Lloris est out, je vous le rappelle, jusqu'en début d'année prochaine. Il va devoir se faire opérer de l'épaule, mais il sera présent au Stade de France pour le match France-Moldavie. Côté défenseur, ont été sélectionnés Digne, Dubois, Kimpembe, Lenglet, Mendy, Pavard, Varane et Zouma. Milieu de terrain, c'est le retour d'N'Golo Kanté. Aux côtés de Matuidi, Ndombele, Sissoko et Tolisso. Côté attaquant, Ben Yedder, Coman, Fekir, Griezmann, Lemar. Le retour de Kylian Mbappé et Olivier Giroud qui reste toujours sélectionné par Didier Deschamps. Il a toujours la confiance du sélectionneur, même si ce dernier a déclaré en conférence de presse que la situation d'Olivier Giroud en club devenait très préoccupante. On le rappelle, Olivier Giroud ne joue pas à Chelsea, ou presque pas. Il était meilleur buteur de l'Europa League la saison dernière. Et bien Chelsea, qui joue en Ligue des Champions cette année, et bien Olivier Giroud ne joue pas, et en championnat très peu également. Il est bien souvent remplaçant. Et donc voilà, ça reste quand même très préoccupant pour l'attaquant français à quelques mois maintenant de l'Euro. Donc espérons que la situation d'Olivier Giroud s'améliore et qu'il puisse disputer l'Euro. Ce serait pas mal. Il est quand même le troisième meilleur buteur de l'équipe de France. Faut pas l'oublier. À quelques petits buts seulement d'un certain Michel Platini quand même. Allez, c'est tout pour la page football. On passe au basket en Pro B. Samedi, Nancy recevra le club de Blois. En National 1, ce soir, le Jet Vosges se déplace à Pont-de-Cherouy. Un mot de hockey sur glace avec des tournois pour l'équipe de France. Tout d'abord U18, le tournoi des 4 nations où la France a réussi à s'imposer 5-4 face à l'Allemagne. Côté U20, la victoire de l'équipe de France en Hockey Cup 4-2 face à la Slovénie. Et en revanche, le tournoi des 4 nations pour l'équipe de France masculine. Eh bien, nos Français se sont inclinés 2-4 face à la Biélorussie. Un mot de tennis maintenant avec le Next Gen ATP Final. Je vais y arriver. Hugo Humbert s'est imposé dans son dernier match face à Sinner. Demi-Nor s'est imposé, tout comme Kecmanovic et Tiafoe. On connaît les 4 sélectionnés pour la fin de ce Next Gen ATP Finals. Aujourd'hui, Demi-Nor affronte Tiafoe et Sinner sera opposé à Kecmanovic. Un mot de Fed Cup puisque la finale c'est ce week-end, Australie-France. Le tirage au sort a eu lieu tôt ce matin pour nous. Et donc demain jouera en première Kristina Mladenovic qui affrontera Tomljanovic et Barty elle affrontera Caroline Garcia. Un gros match pour notre Française. Dimanche on inverse, Mladenovic affrontera Barty et Garcia se reposer à Tomljanovic. Et pour le double, s'il y a besoin, il sera composé pour l'instant de Barty et Stosur côté Australie et de Garcia et Mladenovic côté français. Vous l'aurez donc compris, c'est sur ces deux Françaises que mise le sélectionneur donc de l'équipe de France. Allez les Bleus! Et on termine avec du cyclocross. Lundi, normalement, il fait beau. Ce sera donc un temps agréable pour pouvoir aller assister au cyclocross à Saint-Étienne-Lire-Miremont. Tous les ans, vous en avez pris l'habitude. Le lundi 11 novembre, aujourd'hui c'est un lundi, le 11 novembre, il y a un cyclocross à Saint-Étienne-Lermiremont et cette année, il fera beau. Donc, profitons-en. Et on termine avec des événements qui ont lieu donc à Remiremont. Tout d'abord, un concert exceptionnel qui se tient ce soir au Centre culturel de